suppositoire. Je suis très calme et ça se voit. Je bave à peine sur mon pyjama. Je ne me tords presque plus les doigts. Mais là où ma bouche passe, mes ongles ne repoussent pas. Pour le déjeuner, j'ai des pilules rouges. Pour le goûter, des gélules violettes. Au suppositoire. Tapis dans le fond de ma bulle, je prépare ma sortie, voyez-moi. Sous mes normes de mon corps, votre voix qui bat comme un fou à l'intérieur de mon pulsion. Un jour, j'arrête les pilules pour sortir la force autour de moi. Et puiser dans la rage et l'effroi, la puissance nécessaire pour éclater ma cellule. Sortir la force autour de moi et puiser dans la rage.